Rappeur cramé, équipe armée, bang bang dans la tête, bang bang dans la tête. Rappeur cramé, équipe armée, bang bang dans la tête, bang bang dans la tête. Rappeur cramé, équipe armée, bang bang dans la tête, bang bang dans la tête. Rappeur cramé, équipe armée, bang bang dans la tête, bang bang dans la tête. Des amis j'en ai pas 600, des options j'en ai pas 6000. MDMA dans Capri Sun, une sœur, un garçon à 8000. Dans ma tribune j'ai mes propres hooligans. J'suis paranoïaque, grande folie gang. J'suis gagnant confort quand le pourri gagne. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. J'm'en vais te le dire moi ce que les vrais veulent. Que j'trace mes ennemis dans tout Gotham. Affranchis musique next level. Otis Redding et la motard. M'en bats les coups de renverser la donne. Chéri qui fait nous passer la tonne. Je repense à toi sur du Sahbi. Sahbi, rattrape et Sheraton. Et aller-retour à la mierdasse. Jouer la gova sur une perdasse. Demain on s'en fout, hier on s'en fout. À la fin je vais quand même faire le casse. Suffit pas d'un speed pour louper ça frère. Je reviens d'aller tes bras les fesses à l'air. Hier je gagnais moins et demain c'est loin. Ah ouais. Bah qu'il ait niqué sa mère. Rappeur cramé, équipe armée, bang bang dans la tête, bang bang dans la tête. Rappeur cramé, équipe armée, bang bang dans la tête, bang bang dans la tête. Rappeur cramé, équipe armée, bang bang dans la tête, bang bang dans la tête. Rappeur cramé, équipe armée, bang bang dans la tête, bang bang dans la tête. Don't cross the line, just be sure. Don't cross the line, just be sure. Don't cross the line, just be sure. Tu es un roi sur le trône d'un roi. Fou qui croit que le prince le soutiendra. Mettre un mort à la place du mort. Fais le boulot, l'empire s'en souviendra. J'ai de quoi recharger les criquets. Enterrer le game en pull Mickey. Fixe le prix du baril Alpha qui t'aide pétroler en attendant que mon briquet. Les associés sont ténébreux. Votre carré tu le sors des lépreux. Adieu que pourra, je m'occupe des sourates. Mon avocat plaide en hébreu. T'ont tous peur de moi, t'ont tous menti. Pas besoin de les payer pour être gentil. Trafic international Amazon. Le suivi commande par des antilles. J'suis dans les seins d'une grosse païenne. Grande architecture haussmanienne. Ils ont cru que je buvais du sang. Gobé dans l'œuf des gosses d'aliens. Toutes les carottes du monde sont cuites. Que les secrets complots s'ébruitent. Un fossé dans l'histoire nous sépare. J'ai pas monté les marches, je les ai construites. Rappeur cramé, équipe armée, bang bang dans la tête, bang bang dans la tête. Rappeur cramé, équipe armée, bang bang dans la tête, bang bang dans la tête. Rappeur cramé, équipe armée, bang bang dans la tête, bang bang dans la tête. Rappeur cramé, équipe armée, bang bang dans la tête, bang bang dans la tête. Don't cross the line, just be sure. Don't cross the line, just be sure. Don't cross the line, just be sure. Don't cross the line, just be sure.